Section 13, chapitre 13. Port-Navallo n'est guère un port que par le nom. En réalité, c'est un petit village habité par des pêcheurs qui se trouve au débouché du chenal par lequel le Morbihan communique avec la mer. Cependant, s'il n'a pas une grande importance pour le commerce, il en a une réelle pour la navigation, en offrant une relâche aux navires qui se laissent acculer sur cette côte. Le lendemain du jour où Georges avait annoncé à Charlotte l'arrivée de son ami Narmanton à la marée de midi, on vit au loin du côté de Manbraz un petit navire qui manœuvrait comme s'il voulait entrer à Port-Navallo. La curiosité dans le village fut aussitôt éveillée et des 5 ou 6 vieux marins qui, tous les jours, par n'importe quel temps, viennent sur le rivage 2 heures avant le plein de la mer, pour ne s'en aller que 2 heures après qu'elle a commencé à baisser, tinrent conseil entre eux et discutèrent sur le point de savoir quel pouvait être ce navire. C'était un sloop ras sur l'eau, avec des voiles d'une blancheur inconnue sur ses plages. On eût dit un cotre de l'État, plus petit seulement que ne le sont d'ordinaire ses garde-pêche et meilleurs marcheurs. Bien qu'il ne vantât que petite brise, il avançait rapidement et à mesure qu'il se rapprochait de terre, on distinguait des détails qui permettaient de préciser la discussion. On tomba d'accord que c'était un yacht de plaisance, mais quant à deviner ce qu'il venait faire à Port-Navallo, on fut obligé de s'en tenir aux conjectures. C'était en effet un navire de plaisance, et en virant de bord, il présenta son arrière, on put lire son nom écrit en lettres d'or, le Bourguignon. 5 personnes se trouvaient sur le pont, 3 matelots, occupés à la manœuvre, un pilote de Belle-Île, qui tenait le gouvernail, et debout, accoudé sur le capot, un grand jeune homme de haute taille, aux épaules carrées, au teint coloré, portant toute sa barbe qui était noire et de longs cheveux frisés. Devant lui, les pattes posées sur le plat-bord, un beau chien de Terre-Neuve aboyait contre la terre. Si au lieu de regarder au loin et de s'en tenir à des suppositions plus ou moins intelligentes, les curieux de Port-Navallo, qui se préoccupaient tant de ce yacht, avaient regardé autour d'eux, ils auraient pu raisonner, et surtout déraisonner moins longtemps. En effet, le neveu de M. de la Hérodière, comme disaient les gens du pays qui connaissaient Georges, venait d'arriver, et de la main, il faisait des signes d'amitié au capitaine du yacht. Bientôt, celui-ci descendit à terre, et les 2 camarades se serrèrent la main à la grande satisfaction des curieux qui eurent ainsi un fait précis à discuter. Le cotre avait pour propriétaire un ami du vieux savant de la crique. « Comment ? Tu es venu au-devant de moi, mon bon Georges ?» dit Narmanton. « Je ne t'avais pas cependant fixé l'heure précise de notre arrivée. Tu sais qu'à la mer, on est le jouet du vent. Tu m'avais dit que tu arriverais aujourd'hui. Nous avons étudié les heures de la marée. En même temps, nous avons, avec une longue vue, sondé l'horizon. Et quand j'ai cru reconnaître la voilure blanche du Bourguignon qui passait au large, j'ai fait atteler la guimbarde de mon oncle et je suis venu te chercher. J'aurais fait la route à pied. » Elle est longue, la route, et assez difficile à trouver pour qui n'est jamais venu dans le pays. Enfin, je te remercie. Cela me donne le plaisir de te voir plus tôt. Je te demande 10 minutes. Je remonte à bord pour m'habiller et je suis à toi. T'habiller? Pourquoi faire? Pour ne pas me présenter chez ton oncle en costume de matelot. Je te préviens que mon oncle est absolument incapable de voir si tu as un costume de matelot ou un uniforme de capitaine de vaisseau. Il ne regarde pas ces choses-là. Et la petite cousine? Si tu veux faire ton entrée en prince charmant, c'est différent. Va t'habiller. Cependant, ne t'habille pas trop. Tu n'arrives pas dans un château, mais plutôt dans une chaumière. Et à ce propos, je te demande à l'avance toute ton indulgence pour mon oncle. C'est assurément un très brave homme, mais assez maniaque et fort entêté dans ses idées. C'est même un peu pour t'en avertir que je suis venu au-devant de toi. Quand il se lancera dans des explications sur l'homme primitif et sur ses découvertes, tâche de penser à autre chose. « Mais pas du tout. L'homme primitif n'a rien qui m'effraie. Alors tu vas faire la conquête de mon oncle. Au reste, si cela t'intéresse, nous avons un Jochenmoeding à t'offrir. Tu pourras y faire des découvertes. »« Je ne suis pas en état de faire des découvertes. Mais si ton oncle me parle des siennes, j'espère que je pourrai le comprendre, et peut-être même lui répondre, notamment à propos des Jochenmoeding. » car j'en ai vu de très curieux dans les fjords du Danemark, et si considérables qu'on a perché des moulins dessus. Alors vite en route, mon cher Emmanuel. » Le mot que Georges avait dit en riant « tu vas faire la conquête de mon oncle » devint bien vite une réalité. Emmanuel Narmanton n'était pas à la crique depuis une heure que déjà M. de la Hérodière le traitait en ami. La conquête avait été des plus faciles. Beaucoup écouter et répondre à propos, le mot juste. Retenu par ses fonctions, M. de la Hérodière n'avait jamais voyagé. Quelques courtes excursions en France, en Suisse et en Belgique, c'était tout ce qu'il avait pu se permettre. Comme il le disait en parlant de lui-même, il était un savant en chambre. Ce qu'il savait, il l'avait appris dans les livres. Il fut heureux de trouver dans l'ami de son neveu des yeux qui avaient vu. Et lorsqu'à propos d'une plante de son jardin, Emmanuel répondait qu'il l'avait vue en Australie, ou bien au Japon, ou bien au Mexique, à telle altitude, au milieu de telles conditions, M. de la Hérodière était dans le ravissement et aussi dans l'étonnement. À table, cet étonnement se manifesta plus d'une fois tout haut, et quand on passa dans le cabinet de travail pour prendre le café, Georges, s'adressant à son oncle, lui dit « Avouez, mon oncle, que vous vous demandez en ce moment comment il se fait que votre neveu qui parle tant et sait si peu a pour un ami qui parle si peu et qui sait tant. » « Justement. » « Allons, Emmanuel, » dit Georges, en se tournant vers son ami, « satisfait la curiosité de mon oncle. Rien n'est plus simple. J'ai tâché de retenir ce que j'ai vu et j'ai voulu connaître ce que je voyais. » « Trop de concision. Tu évites d'être long et tu deviens obscur. Raconte à mon oncle tes voyages. Nous te prêtons tous une oreille attentive. Charlotte, joignez-vous à moi. Mon ami est trop sentimental pour ne pas s'empresser de faire ce qui lui est demandé par une femme. « Je croyais que vous aviez fait votre droit, » interrompit M. de la Hérodière. « Comme tout le monde. Seulement, je n'avais pas de disposition pour la chicane. Et me trouvant par suite d'un malheureux concours de circonstances à peu près seul au monde, et maître d'une certaine fortune... »« Tu peux dire d'une belle fortune, » interrompit Georges. « J'ai eu l'idée de voyager. Que faire ? Je n'avais pas été élevé en vue d'une profession, et à vrai dire, je ne me sentais pas de vocation irrésistible pour aucune. » Je n'avais pas cependant l'horreur du travail de l'esprit. « La preuve, » dit Georges, « c'est qu'on trouve dans les annales des concours généraux un discours de Démosthène à l'un de ses amis d'Athènes pour lui expliquer qu'il ne peut recevoir la grâce que lui offre Antipater et qu'il aime mieux mourir que de voir sa patrie dans l'esclavage. Et ce discours, des plus remarquables, a pour auteur Emmanuel Narbanton, ici présent. « D'un autre côté, » continua Narbanton, en souriant à ce souvenir, « je n'avais aucun goût pour le jeu, les courses et autres plaisirs à l'usage de ceux qui ne savent comment dépenser leur temps et leur argent. Je résolus donc de voyager. J'avais alors un ami plus âgé que moi d'une dizaine d'années, qui lui aussi voulait parcourir le monde et qui s'était préparé au voyage par de sérieuses études. Il ne lui manquait qu'une chose, l'argent, car il était pauvre, ayant usé son petit patrimoine à apprendre et n'ayant jamais trouvé le temps de tirer profit de ce qu'il savait. Nous nous associâmes, apportant chacun ce que nous possédions, et nous partîmes. Les heures de traversée sont longues. J'étudiais sous la direction de mon ami, et toujours près de lui, par ses leçons, par son exemple, regardant par ses yeux, j'appris certaines choses que les gens du monde ignorent le plus souvent. « Et cet ami ?» demanda M. de la Hérodière, qui se voyait déjà en relation de correspondance avec le voyageur. Narbanton leva la main par un mouvement plein de tristesse, puis, après un court moment de silence, « Je l'ai perdu, » dit-il, « au Mexique, dans la terre chaude, de la fièvre. Après 4 années d'absence, revenant avec des matériaux considérables, il n'a pas eu le bonheur de revoir son pays et ses parents, tandis que moi, qui ne rapportais rien et que personne n'attendait, je suis rentré en France. « Et vous avez continué à voyager ?» dit Charlotte, qui ne voulut pas laisser finir la conversation sur ce triste souvenir. « Oui, mademoiselle, car la vie nomade s'impose et le changement de place devient un besoin. Je ne connaissais que quelques contrées lointaines, mais je ne connaissais pour ainsi dire pas l'Europe et pas du tout la France. Je fis alors construire mon petit yacht et je continuai mes courses à l'aventure, allant où la fantaisie me pousse et m'arrêtant où je me trouve bien. Mais votre yacht n'entre pas dans l'intérieur des terres, et pendant le dîner vous nous parliez d'un voyage que vous aviez fait dans le centre de la France. » demanda M. de la Hérodière. Je ne suis pas un animal exclusivement aquatique. Je suis amphibie, et me trouve également à mon aise sur la terre et sur l'eau. Seulement, comme mon petit bateau ne va que sur l'eau, je le remplace pour mes voyages terrestres par une voiture, dans laquelle je m'établis pour 3 ou 4 mois. Charlotte se mit à rire. Si vous voyiez ma voiture, mademoiselle, vous ririez encore bien mieux, car c'est une espèce de voiture de saltimbanque que je me suis fait construire, et j'y ai établi un appartement complet, cuisine, chambre à coucher et salle à manger. Quelquefois cet équipage me vaut la visite de paysans qui veulent à toute force que je leur arrache quelques dents ou que je leur vende une fiole de vulnéraire, mais il a pour moi un avantage sans prix. Il me dispense de coucher et de manger dans les sales auberges des villages où je m'arrête. « Pour un voyageur, je te trouve bien délicat, » dit Georges. « Mais c'est que je ne suis pas un vrai voyageur. Je suis un simple amateur, un bourgeois qui voyage pour son plaisir et qui a toutes sortes de préjugés bourgeois. Ainsi, j'ai horreur des lits d'auberge. Avec ma voiture, je couche dans mes draps et partout, sur le bord d'une route ou au fond d'un bois, mon domestique peut me faire mon déjeuner. » On causa ainsi jusqu'à une heure avancée dans la nuit, les fenêtres ouvertes respirant l'air salé qui venait du large, regardant les étoiles qui brillaient sur la mer tranquille. Et quand on se sépara, il était convenu qu'on s'embarquerait le lendemain sur le Bourguignon pour les îles Wadic et Watt, que M. de la Hérodière ne connaissait pas et que depuis longtemps il désirait visiter. Fin de la section 13.